Chapitre 9e. Cœur d'amante. Malheureuse, que fais-tu ? Mais il semblait que le son de la voix de Christine eût suffi à ranimer la jeune fille. Madame, dit-elle avec un calme effrayant, pouvez-vous me dire la date de ma naissance ? C'est bien le 7 octobre 1568, n'est-ce pas ? Sans doute. Et la date de votre mariage avec monsieur de Mauvilliers ? Que me demandes-tu là ? Je voudrais seulement savoir si, né le 7 octobre 1568, alors que le sire Ludovic de Briancourt, votre premier mari, est mort au mois d'août de la même année, donc 3 mois avant, j'ai pu naître de votre mariage avec monsieur de Mauvilliers. La dame se laissa tomber sur un fauteuil avec un gémissement de douleur. Elle murmura « C'est le châtiment ». Violaine entendit. « Savez-vous ce qu'est devenu Hervé de Briancourt ? » poursuivit-elle âprement. « Il vient, sous le nom d'Hervé de Pont-Réal, d'être mis en prison par monsieur de Mauvilliers. »« Oui, madame. Le fils de votre premier mari est incarcéré par votre époux actuel comme faux monnayeur. »« Ah, il eût mieux valu pour lui qu'il fût vraiment mort, comme le porte un papier que j'ai vu là. » Et se penchant sur madame de Mauvilliers anéantie, « S'il vous plaît encore, madame, vous est-il possible de m'expliquer comment Hervé de Briancourt, mort à 2 ans, est toujours vivant aujourd'hui ?»« Violaine, » balbutia Christine, les dents claquant de terreur, « tais-toi, tais-toi. » « Me taire, faire comme vous, madame, vivre dans le mensonge, entourer toutes mes actions de ténèbres insondables, accumuler les énigmes les plus affreuses, non. » Non, je veux le jour, la lumière, l'air, la vérité. Et je commence à voir clair, à savoir. Allons, aidez-moi, madame ma mère, vous savez, vous. Grâce, balbutia l'autre, accablé sous le coup et l'acceptant comme une sorte d'expiation. Grâce, jamais. Savez-vous ce que tous ces mystères, toutes ces noirceurs criminelles allaient me faire commettre ? Un crime, le plus abominable de tous. Eh bien, involontairement, je vous le jure, j'allais épouser mon frère. Ah ! Râla Christine en s'affaissant sur le siège. Elle était évanouie. Mais Violaine ne s'approcha pas d'elle, ne lui prodigua aucun soin, n'appela personne. Elle se trouvait dans un état d'esprit voisin de la démence et cherchait à se ressaisir, à recouvrer sa raison qu'elle sentait s'enfuir. D'ailleurs, la défaillance de madame de Mauvilliers dura peu. Elle releva la tête. Des larmes baignaient ses yeux. Sa poitrine palpitait violemment et ses traits reflétaient une infinie détresse. Un long silence régna. Violaine était allée à un bahut et tirait des vêtements, du linge. Elle y joignit quelques objets et un paquet du tout, très vite. Christine la regardait faire, l'air inconscient. Quand elle eut achevé ses préparatifs, Violaine se tourna vers sa mère et d'un ton glacial, sans timbre, elle prononça. J'ai résolu de quitter cette maison. Ce soir même, je pars pour Muret. J'entrerai au couvent, où j'ai d'ailleurs passé 6 années de ma vie. Mais cette fois-ci, c'est comme nonne que j'y serai et y resterai jusqu'à ma mort. Adieu, madame. Vous préviendrez de ma volonté, monsieur de Mauvilliers. Inutile de vous dire que ma décision est irrévocable. Rien ni personne ne la fera jamais changer. Violaine, clama Christine avec désespoir. « Ma fille, je ne le suis plus. Pitié !» La jeune fille s'avança vers sa mère et gravement. « Pitié, dites-vous, voulez-vous vraiment la mériter ? Voulez-vous échapper peut-être à ce châtiment dont vous parliez tout à l'heure ? Rachetez le mal que vous avez fait, que je devine, que je ne veux pas connaître. Hervé de Briancourt est en prison par ordre de votre mari, qu'il en sorte grâce à vous. Comment ? » bégaya Christine. Vous êtes riche, riche de l'argent qui appartient à Hervé. Payez les geôliers, payez des gens qui brûlent la prison, cherchez, mais agissez à l'insu du sire de Mauvilliers, surtout, car celui-là, je le crois votre mauvais génie. Oh oui, murmura la malheureuse, éperdue. Puis, reprenant conscience de ce qui se passait, reste, Violaine, reste. Adieu, sauvez mon frère. Et tandis que Christine, terrifiée, défaillait de nouveau, la jeune fille descendit vivement les degrés, appela Godefroy, lui ordonna de seller 2 chevaux et de l'escorter. Pendant que le domestique s'empressait à cet ordre, Violaine entra dans une pièce du rez-de-chaussée, prit une écritoire et traça ses lignes. « Je sais tout, monsieur de Givry. C'est une telle souffrance pour moi que d'avoir appris de si terribles choses que je renonce au monde pour toujours. Je pars, ce soir, au couvent des Visitandines de Muret. Je prononcerai mes vœux au plus tôt et je tâcherai de tout oublier. Mes dernières pensées pour vous et pour mon pauvre frère Hervé. Et encore merci, du plus profond de mon cœur, Violaine de Briancourt. Elle avait signé du nom qu'elle savait être le sien, maintenant pour la première fois. Godefroy revenait annoncer que les montures étaient prêtes. La jeune fille scella le billet à la cire, sans le cachet qui portait les armes de Mauvillier. Elle tendit la missive au domestique et lui dit « Écoute-moi bien. Tu m'accompagnes à Muret, puis tu reviendras et remettras seulement alors ce billet à monsieur de Givry. Après cela, tu diras à madame de Mauvillier que tu te mets à sa disposition pour sauver monsieur de Pont-Réal. As-tu compris ?»« Oui, demoiselle. » fit le bonhomme, déconcerté par le drame qu'il pressentait. Alors, en route. Et la jeune fille, sans se retourner, franchit le porche de l'hôtel, se mit en selle et piqua de l'éperon. À peine les chevaux tournaient-ils l'angle de la rue, que le sire de Mauvillier apparut sous le porche. Il avait entendu les fers marteler le pavé. Il sonna. Un laquais vint. Qui est parti à cheval à l'instant ? Mademoiselle et Godefroy, monseigneur. Pour se renseigner sur cette sortie de Violaine, Urbain monta à l'appartement de sa femme. Elle n'y était point. Par le couloir, il alla chez sa fille, souleva à son tour la portière et resta sur le seuil de la porte, immobile comme une statue. Christine était inanimée sur son fauteuil, au milieu des papiers épars. La miniature attira les yeux d'Urbain. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, inquiet. Il s'approcha vivement de sa femme, l'appela, lui fit respirer des selles. À la vue de son mari, Christine poussa un faible cri. « Violaine, » dit-il dans une plainte. « Où est-elle, le savez-vous ? » ?»« Partie. » »« Où cela ?»« Au couvent, c'est fini. » »« Quoi ?» s'exclama Urbain. « À quel couvent ? Que va-t-elle y faire et pourquoi ?» Madame de Mauvillier, de la main, montra les parchemins et balbutia. « Elle sait tout. Elle entre en religion. »« Enfer ! » cria Mauvillier, les deux poings levés. « Parti ! Je vais donner sur le champ l'ordre de la poursuivre, de la ramener de... »« Non !» prononça fermement Christine. « Comment, non ? Je ne le veux pas. Je ne veux pas, moi, sa mère, me retrouver en sa présence et être obligée de rougir de honte, de trembler de peur. Elle sait tout, vous dis-je. » « La sotte Péronnelle !» gronda Mauvillier. « De quoi s'est-elle mêlée, là ?»« Il fallait que cela arrivât !» proféra Christine avec exaltation. « C'est la punition de ma faute. Je l'attendais. Je savais qu'elle viendrait. Mais je ne me doutais point qu'elle serait aussi cruelle, que ce serait ma fille qui me châtierait. » Urbain ne répondit pas. À son tour, une sorte de vertige le gagnait. Il se sentait écrasé par la fatalité, comme par la dalle d'une tombe. Et furieux, hagard, le sire sortit de l'appartement.